écoutez un DJ set de Peter Van Hoosen enregistré au Fuse. Pure Trax. Pure Trax. Pure Trax. Tous les vendredis et samedis soirs de 20h à 2h du matin. un DJ set de Peter Van Hoosen enregistré au Fuse. 20h à 2h du matin, c'est Pure Tracks. Voilà, c'était les Fuse Files avec un DJ set de Peter Van Hoosen et sa clôture, cette soirée du samedi 14 pour Pure Tracks. Passez une excellente soirée, vous n'oubliez pas de prendre votre stock de préservatifs, vous n'oubliez pas que les boîtes ça conserve et on se retrouve dès la semaine prochaine, vendredi et samedi de 20h à 2h du matin pour Pure Tracks. Allez, sur ce, passez une excellente soirée, passez une excellente nuit et n'oubliez pas que samedi prochain, le 21, au Brussels Kart Expo, c'est Groove City avec Pure Tracks, Pure FM. Ciao, ciao! Pure Tracks. Pure Tracks.